إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc aujourd'hui inshallah nous entamons l'étude, la traduction, l'explication d'un nouvel ouvrage qui s'intitule Kun salafiyan ala al-jadda, soit un suiveur de la voie du chemin des pieux prédécesseurs, sérieusement, convenablement, de la meilleure manière, du Cheikh Abdussalam ibn Salim ibn Raja al-Suhaymi, hafidhahullahu ta'ala, qui est professeur à la Jami'a Islamiyya de Médine, à ne pas confondre avec le savant connu qui s'appelle Cheikh Salih al-Suhaymi. Ils ont le même nom de famille. Mais ce n'est pas le savant connu qui enseigne à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui enseigne aussi à la Jami'a Islamiyya. Et cet ouvrage du Cheikh Abdussalam al-Suhaymi hafidhahullahu ta'ala a été revisé, relu par al-Cheikh al-Allama Dr Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, qui est membre du comité des grands savants de Riyad, et il a été aussi préfacé par le Cheikh Ali ibn Muhammad ibn Nasr Faqihi, le docteur savant connu de Médine et qui enseigne dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui enseigne, je pense encore, c'était un ancien enseignant de l'université islamique de Médine, et aussi il a été préfacé par le Cheikh Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri, l'ancien professeur à la Jami'a Islamiyya. Donc le Cheikh حفظه الله تعالى ندي تنبيه رمارك لقد قمت بعرض هذا الكتاب على جمع من أفاضل أهل العلم. Donc il dit, j'ai présenté cet ouvrage, l'original de cet écrit, à un certain nombre de nobles savants et chers. ورغبت منهم قراءته لأفيد من علمهم وتوجيهاتهم. Et j'ai eu l'envie qu'ils relisent ou qu'ils lisent cet ouvrage pour pouvoir profiter de leurs remarques et de leurs connaissances. Fajazahumullahu khayran, qu'Allah les récompense pour cela en bien, wa li atma'inna, et pour que je sois apaisé, c'est-à-dire pour le contenu du livre, qu'ils sont bien en accord avec le contenu. Wa yatma'inna al-qari, et de même que le lecteur soit apaisé, ala sihhati wa salamati ma tadammanahu hadha al-kitab. Et donc aussi pour que lui le shir soit apaisé, ainsi que tout lecteur soit apaisé sur l'authenticité et l'authenticité du contenu de ce livre. Wa fi muqaddimati ha'ula al-ulama al-afadil, et à la tête de ces nobles savants et shir, samahat al-sheikh al-allama al-doktor Salih ibn Fawzan al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء والذي قرأه مع كتاب آخر لي. Donc le Cheikh, le noble Cheikh, l'Allama, docteur Salih ibn Fawzan al-Fawzan, membre du comité des grands savants et membre aussi du comité de la fatwa à Riyad, qui a relu ce livre avec un autre ouvrage que le Cheikh lui avait présenté aussi. وقال حفظه الله, et le Cheikh Salih al-Fawzan a dit, après avoir vu et lu ses livres, تأملت الكتابين كما طلبتم ولم يظهر لي عليهما أي ملاحظة. Il dit, j'ai bien médité, lu les deux ouvrages comme vous me l'avez demandé et je n'ai pas remarqué d'erreur dedans. Je n'ai pas de remarque à faire là-dessus. وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي المدرس بالمسجد النبوي الشريف ومدير إدارة الشؤون العلمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. De même que le savant, le sheikh, le docteur Ali ibn Nasr Faqihi, hafizahullah, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le directeur du bureau scientifique du complexe du roi Fahd pour l'impression du Coran à Médine. Wa sahib al-fadil al-sheikh Ubaid ibn Abdillah al-Jabiri al-mudarris bil jami' al-islamiyya sabiqan. Et le sheikh Ubaid ibn Abdillah al-Jabiri, l'ancien enseignant à l'université islamique de Médine. Wa sahib al-fadil al-doktour Salih ibn Sa'd al-Suhaymi. Et le savant, le sheikh al-doktour Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, celui qui est connu, al-mudarris bil masjid al-Nabawi al-Sharif, المدرس بالمسجد النبوي الشريف والأستاذ المشارك بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. Donc l'enseignant dans la mosquée du prophète sallam et le professeur dans le département de la Aqida de l'université islamique de Médine. وغيرهم من أهل العلم, et bien d'autres savants. جزاهم الله خيرا, qu'Allah les récompense en bien. ونفعنا الله والمسلمين بعلمهم, et qu'Allah rende bénéfique leur science pour nous qu'ainsi pour les musulmans. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tayyib. Puis on a la préface de Cheikh Dr Ali ibn Nasr Faqihi. Taqdim fadilat al-Sheikh al-Ustadh al-Dr Ali Nasr Faqihi. Al-akh al-fadil al-Dr Abd al-Salam ibn Salim al-Suhaymi wafaqahu Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. فقد قرأت بحثكم بعنوان كن سلفيا على الجادة فوجدته بحثا جيدا في موضوعه. Donc après les salutations, en réponse à la demande du cheikh pour qu'il lui fasse une préface, il lui dit, j'ai bien lu votre recherche, votre ouvrage qui s'intitule كن سلفيا على الجادة, soit un salafi sérieusement, convenablement, de la meilleure manière, comme cela est demandé, c'est-à-dire un véritable suiveur des pieux prédécesseurs. Et je l'ai trouvé une étude très bonne dans son sujet. Et d'un point de vue général, je n'ai pas de remarque à faire là-dessus. Ma ada ba'd al-ibarat aw iqtirahat tajidunaha ala ba'd safahat al-bahth. Si ce n'est quelques termes ou quelques remarques que vous trouverez dans les pages. Il a mis quelques, parfois il y a des mots qui sont employés et que le cheikh lui conseille d'employer plutôt à la place d'autres termes, ou alors des phrases, soit de les dire ou soit de ne pas les dire. C'est des propositions que le cheikh lui fait. Si vous voyez qu'il y a un bien de prendre ces remarques. Wafakakumullah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. تقديم فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. لا هنا la préface de Cheikh Ubaid al-Jabiri. Donc il dit dedans, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين وذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسادة العالمين بعد النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا على مر الأيام والليالي والسنين. Donc après les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala, les éloges faits à Allah subhanahu wa ta'ala, les salutations et les prières sur notre noble prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il dit, amma ba'd, après ceci, fama ahsana ma qalahu al-imam al-allama al-bahru al-jihbith Muhammad ibn Abi Bakr al-Zara'i al-Dimashqi al-ma'ruf bibni Qayyim al-Jawziyya. Il dit quelle belle parole qu'a dite le grand savant, le grand imam. L'océan dans le domaine de la science, Muhammad ibn Abi Bakr al-Zar'i al-Dimashqi de Damas, qui est connu sous le nom de Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. وذلك في كتابه العظيم المبارك زاد المعاد. Et cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il l'a dit dans son ouvrage, son grand ouvrage béni qui s'appelle زاد المعاد في هدي خير العباد. Faut pas lire comme certains font l'erreur en disant زاد المعاد. Pour dire al-mi'ad, il aurait fallu qu'il y ait un ya après le mim. Al-mi'ad, c'est le rendez-vous. Al-ma'ad, c'est le jour dernier. C'est les provisions à prendre pour le jour du jugement dernier. Avec un fatha sur le mim. Zadul ma'ad. Idh qala rahimahullah. Il dit qu'Allah le prenne dans sa clémence. Faman ansha'a aqwalan wa assasa qawa'id bihasabi fahmihi wa ta'wilihi lam yajib 'ala al-ummati ittiba'uha. Il dit rahimahullah. Celui qui vient à fabriquer, à inventer des paroles et qui fonde des règles de lui-même qui proviennent et qui découlent de sa propre compréhension et de sa propre interprétation personnelle. Ce n'est pas une obligation pour la communauté de suivre les paroles et les règles émises de cette manière par cette personne. Et ce n'est pas une obligation de prendre ces règles ou ces paroles comme balance de jugement ou de retourner à elles pour arbitrer. Hatta tu'rada ala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'on prenne ces paroles, ces propos, ces citations, ces règles et qu'on les mette sur la balance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela est en conformité ou pas? Parce que la base, la balance même pour juger, c'est le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et non pas les paroles d'un tel ou d'un tel, ou les règles émises par un tel ou un tel. Et donc ces paroles et ces règles ne seront prises en compte réellement et acceptées que lorsque on aura vérifié selon le Coran et la Sunna. فَإِنْ طَابَقَتْهُ وَوَافَقَتْهُ وَشُهِدَ لَهَا بِالصِّحَّةِ قُبِلَتْ حِينَئِذٍ. Et si après cette vérification, on découvre que cela est en conformité avec la religion, avec le Coran et la Sunna, et qu'on témoigne que c'est bien véritable, véridique, alors à ce moment-là, elles seront acceptées. وَإِنْ خَالَفَتْهُ وَجَبَ رَدُّهَا وَاطِّرَاحُهَا. Et si on remarque et on voit que cela va à l'encontre, que c'est contraire à ce qu'on retrouve dans la Sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, alors il sera un devoir, une obligation de la rejeter et de la poser. فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ جُعِلَتْ مَوْقُوفَةً وَكَانَ أَحْسَنُ أَحْوَالِهَا أَنْ يَجُوزَ الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِهَا وَتَرْكُهُ إِنْتَهَى كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Et si on n'arrive pas à savoir si cela est en conformité ou en contradiction avec la sunna, après recherche, vérification, on n'arrive pas. On ne sait pas si cela est en conformité ou en contradiction. Alors, on la laisse de côté. On la laisse de côté. On la stoppe. Et le meilleur des états de cette parole ou de cette règle sera qu'il sera permis de la mettre en pratique comme il sera permis de la délaisser. Parce qu'on ne sait pas. Et là se termine la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. وَهَذَا لأنه متقرر عند الأئمة من السلف الصالح أن أقوال الناس وأعمالهم توزن بالنص والإجماع. Ceci parce qu'il est bien connu chez les imams parmi les pieux prédécesseurs que les paroles des gens ainsi que leurs actes sont pesés sur la balance du texte coranique et du hadith ainsi que le consensus de la communauté lorsqu'il y a unanimité des savants de l'islam. فَمَنْ وَافَقَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا قُبِلَ مِنْهُ. Lorsque cela est en conformité, en concordance avec le texte ou avec le consensus, alors cela sera accepté de lui. وَمَنْ خَالَفَ وَاحِدًا مِنْهُمَا رُدَّ عَلَيْهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Et si cela est en contradiction, cela va à l'encontre d'une des deux sources qui sont le texte coranique ou le texte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors l'ijma', le consensus. Si la parole ou l'acte de la personne va à l'encontre d'un texte ou à l'encontre de l'ijma', alors cette parole ou cet acte sera rejeté, repoussé, quelle que soit la personne qui est venue avec. ومن خبر حال الأئمة ودعاة الهدى من السلف الصالح بدءا من الصحابة وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم واقتفى آثارهم بان له أنهم على هذا المسلك سائرون. Et celui qui étudie bien, qui médite bien sur l'état des imams, les prêcheurs de la guidée parmi les pieux prédécesseurs, en commençant par les compagnons et les imams des tabi'in et ceux qui ont suivi leur chemin et qui étaient sur leurs traces, pour celui-là, il verra bien, cela lui sera clarifié qu'ils étaient bien sur ce chemin-là. Jamais dans ces époques-là, jamais chez ces grands de l'islam, il ne prenait les paroles ou les actes d'une personne à la même hauteur qu'un texte religieux ou un consensus de la communauté. Et jamais il ne jugeait les textes ou le consensus par rapport à la parole ou à la règle d'un tel ou d'un tel. Non, c'est le contraire. Les paroles et les actes, on les juge selon la balance de la vérité qui est le texte coranique, le texte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la communauté. وفي وجوه أهل البدع والأهواء واقفون. Et ils étaient comme un rempart face aux adeptes de l'innovation et de la passion. ولحججهم بما آتاهم الله من قوة البراهين والأدلة من الكتاب والسنة داحضون. Et face aux preuves ou aux soi-disant arguments des gens de la passion et des gens de l'innovation, ils répondaient et ils faisaient tomber leurs preuves avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné comme force dans l'argumentation et des preuves qui sont tirées du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. فَكَانُوا بِحَقٍ كَمَا فِي الْأَثَرِ. Et ils étaient en vérité, comme cela est rapporté dans le récit, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Dans le sens de cette citation, il est même dit que c'est un hadith, Allahu a'lam, je pense que c'est un hadith mawquf. Il est dit que portera cette science de toute génération les plus justes, les plus droits, qui viendront à nettoyer la religion de l'altération de ceux qui exagèrent et des erreurs commises et ainsi des interprétations faites par les ignorants. وَكَانُوا كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que dans toutes les générations, il y aura des hommes choisis par Allah tabaraka wa ta'ala qui auront pour fonction, par le savoir qu'Allah leur a donné, de nettoyer la religion de tout ce qui n'en fait pas partie. وَكَانُوا كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. Et ils sont, comme nous l'a annoncé, comme nous l'a informé le véridique qui vient avec la vérité, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il restera toujours une partie de ma communauté apparent sur la vérité. Ne leur seront d'aucune nuisance ceux qui vont à leur encontre ou ceux qui voudront les contredire ou les délaisser jusqu'à que l'ordre d'Allah vienne. Qultu, je dis, là c'est le shir qui parle, wa laqad abda'a wa afada wa ajad akhun al-fadil al-doktour Abdus Salam ibn Salim al-Suhaymi الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية إذ أبان بصراحة ووضوح وبأسلوب علمي رفيع قواعد وأصول وسمات في المنهج السلفي الحق. Et a bien fait, a atteint la vérité notre frère le cheikh Dr Abdus Salam al-Suhaymi, qui est professeur de la faculté de Sharia dans l'université islamique de Médine, lorsqu'il a bien clarifié dans cet ouvrage avec toute clarté, toute clarté et d'une manière scientifique énorme, les règles et les fondements et les caractéristiques de la voie salafie, la voie des pieux prédécesseurs qui est la voie véritable. وذلك في كتابه القيم الموسوم بكن سلفيا على الجادة. Donc dans cet ouvrage que voici. شكر الله سعيه وأجزل مثوبته وجعل ما كتبه في ميزان أعماله راجحا يوم القيامة. Qu'Allah lui soit reconnaissant pour les actions qu'il a accomplies et qu'il le récompense en bien et qu'il lui garde tout ce qu'il a écrit pour être dans sa balance de ses œuvres le jour du jugement dernier en sa faveur. Et parmi ces règles et ces fondements et ces caractéristiques de la voie des salafs, la voie des plus prédécesseurs, awalan, premièrement, ahlus sunnati wal jama'a hum khayru man yumathilu al-wasatiyya. Les suiveurs, les adeptes de la sunna et du groupe, du consensus, sont les meilleures personnes pour représenter le juste milieu. Le juste milieu, dans son véritable sens, dans sa véritable définition, non pas comme certains, chacun essaie d'expliquer le juste milieu comme il veut, chacun prétend que c'est lui qui est dans le juste milieu. Et on vit une époque très difficile. Les gens qui sont très loin de la religion, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la religion, tu les vois parler du juste milieu, wal'iyadhu billah. Comme si le juste milieu, c'était de ne pas avoir de lien avec la religion musulmane. Comme si le juste milieu, c'est de ne pas aller à la mosquée, c'est de ne pas faire la prière, c'est de ne pas s'habiller en musulman, de ne rien faire apparaître de l'islam. Et que tous ceux qui font apparaître l'islam, qu'on voit de par leur extérieur qu'ils sont musulmans, et qui font les actes de l'islam comme si cela c'est des gens qui en font un peu plus. Et ils ont inventé des termes. Moi je suis un musulman et toi tu es un musulman pratiquant. Tous les musulmans sont pratiquants. Un musulman c'est un pratiquant. Mais dans la pratique ils n'ont pas tous le même degré. Il y en a qui pratiquent plus que d'autres. Mais il y a un minimum de pratique. Donc, des termes qu'ils ont inventés, c'est comme lorsqu'ils disent « je vais m'habiller normalement ». C'est quoi le normal? Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que veut dire le mot normal? Qui peut me le définir? Subhanallah. On invente des choses. Normal, c'est d'être rasé et d'être en costume ou en jogging. Ça, c'est normal. Lorsque tu es en kamis, ce n'est pas normal. Yani, subhanallah, et ça, c'est rentré dans le cerveau de beaucoup de personnes. Et même des fois, même des frères pratiquants, ils croient en ce genre de propos qui sont faux. Des gens les ont inventés et ça s'est propagé. Wallahu al-musta'an. Une personne normale, c'est la personne qui est dans la situation qui plaît à Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui est dans une situation qui ne plaît pas à Allah, il n'est pas normal. C'est lui qui est anormal. Et non pas celui qui est dans le chemin d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, musulmans non pratiquants. Moi, je suis un musulman non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire non pratiquant? Ça veut dire que tu ne crois pas en Allah, tu ne crois pas au jour dernier, tu ne crois pas au paradis, tu ne crois pas en enfer. C'est que ça veut dire quoi non pratiquant? Je ne fais pas la prière, subhanallah. Chacun s'invente une religion. Ma anzalallahu biha min sultan. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala a institué cela. Ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela. Jamais il a dit à ses compagnons. Non. Tous les musulmans sont semblables, pareils. Il y a un minimum de pratique en tant que musulman. Et après, il y a la concurrence dans les bonnes œuvres. Et plus on en fait, et plus on est proche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et plus on fait preuve de piété. Et plus on est un bon croyant. Et donc, et dans la communauté, il y a les extrêmes. Et les extrêmes sont de deux côtés. Il y a ceux qui en font trop et ceux qui en font moins. Il y a ceux qui sont dans l'excès et l'exagération. Et on a ceux qui sont dans le laxisme et le relâchement. Et ces deux extrêmes sont à rejeter. Et ils ne sont pas acceptés. Et c'est entre ces deux qu'on a la vérité, la droiture, qui est le juste milieu. Le juste milieu, c'est d'appliquer ce que l'islam te demande. Sortir du juste milieu, c'est de outrepasser, de faire plus que ce que la religion te demande. Ou de faire moins, le laxisme, que ce que la religion te demande. Mais lorsque tu appliques tout ce que la religion te demande, convenablement, voilà le juste milieu. Et voilà ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous. Et voilà le chemin sur lequel était le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Donc, dans toutes les tendances qui sont au sein de la grande maison de l'islam, le juste milieu, ce sont Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Et toutes les autres sectes sont soit dans tel extrême ou tel extrême. Donc, Ahl al-Sunnati wal Jama'a, hum khayru man yumathilu al-wasatiyya. Thaniyan, deuxièmement, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, min mujaddid al-islam wa da'wati al-salafiyya. Donc, deuxièmement, l'imam, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, ce grand savant qui vécut dans le 12e siècle de l'Égypte, qui était le 18e siècle de l'ère chrétienne, le siècle de 1700 et quelques, rahimahullah ta'ala, qui est connu pour les ouvrages et la da'wa au tawhid qu'il a fait dans la péninsule arabique, ce grand savant fait partie des réformateurs de l'islam et du prêche sur la voie des pieux prédécesseurs. Et beaucoup se trompent concernant ce grand savant et ce grand shir. Certains parmi les ennemis de la sunna viennent à prétendre qu'il a ramené une nouvelle compréhension de l'islam, ce qui est faux. Il n'a demandé aux gens que de revenir aux sources. Il n'a demandé aux gens que de délaisser toute adoration donnée à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il les a invités à vouer un culte exclusif au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et surtout, à l'époque, c'était l'époque du sultanat ottoman, Et les Ottomans ont combattu ce shir, ont combattu la da'wah enseignée par ce shir, et ils ont propagé dans le monde musulman qu'il y a un nouveau prêche qui s'appelle al-Wahhabiyya, qu'ils appellent les Wahhabites. Et ils les ont traités de tous les noms, wal-iyadhu billah. Ils leur ont même déclaré la guerre et ils en ont massacré beaucoup, wal-iyadhu billah. Et ils faisaient peur aux gens. Jusqu'à que les gens, quand ils entendaient le terme Wahhabi, ils en avaient peur. Jusqu'à qu'à chaque fois que quelqu'un venait pour parler du tawhid ou de la sunna du prophète, sallam, on disait de lui qu'il était Wahhabi. Bien que dans le terme, il n'y a rien qui fait fuir, parce que Wahhabi, c'est affilié à Al-Wahhab. Al-Wahhab, c'est un des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc tu es affilié au créateur, tu n'es même pas affilié à une créature. Les gens, lorsqu'ils s'affilient, en règle générale, ils s'affilient à une créature, en bien ou en mal. Mais ils s'affilient à une créature. Alors que là, ces gens-là, inconsciemment, ils ont affilié ces gens à Al-Wahhab. Al-Wahhab, c'est celui qui donne en abondance. C'est celui qui donne, c'est le donateur en abondance. Wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que normalement, s'ils voulaient dire ceux qui suivent Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils auraient dû les appeler Mohammadi. Ceux qui suivent Mohammed. Parce que Abdul Wahhab, c'est le nom de son père. C'est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il n'y a rien qui fait fuir. Mais deuxièmement, pour l'affilier à un nom bien précis, il aurait fallu qu'il vienne avec quelque chose de nouveau. Et il n'a rien ramené de nouveau. Dans le fiqh, d'un point de vue général, il était Hanbali. Il suivait le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Rahimahullah ta'ala. Mais il est venu prêcher dans l'aqida, dans la base même de la religion. Parce que l'Arabie, à son époque, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle était remplie d'ignorance et d'adoration donnée à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens adoraient des tombeaux, adoraient des mausolées. Les tombeaux des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on faisait devant la tombe du prophète, alayhi salatu wa sallam? Des atrocités. Ils donnaient des adorations à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lorsque la famille royale Al-Saoud ont pu reprendre le pouvoir bien plus tard, c'était dans les années 30, ils ont nettoyé Mecca wa al-Madina et l'Arabie de tout cela. On ne voit plus de traces de mausolées. On ne voit plus de traces de mausolées. Comme si ça n'avait jamais existé, subhanallah. Alors que c'était des endroits où les gens adoraient autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et maintenant, vous voyez les cimetières, les gens viennent, ils ne savent même plus qui est enterré. On sait que telle et telle personne sont enterrées dans tel endroit, mais où exactement, on ne le sait pas. L'essentiel, tu viens, tu fais les doigts qui sont demandés à faire, comme nous l'a enseigné le prophète, alayhi salatu wa salam. Et donc, ils ont propagé ce terme qui est Al-Wahhabiyya. Mais de l'autre côté, on a eu d'autres extrêmes qui prétendent que Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, rendait mécréant la communauté musulmane à tout va. Alors que Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, il enseignait aux gens des règles. Celui qui fait telle chose, voilà son sort. Celui qui fait telle chose, il a à craindre pour lui telle chose. Il enseigne aux gens. Et cet enseignement, il est profitable pour qui en premier? Pour toi. Tu apprends cela pour quelle raison? Pour ne pas tomber dans les erreurs, pour ne pas tomber dans des actes de mécréance, pour ne pas tomber dans des actes de polythéisme, pour être à l'abri de tout cela et pour être un pur et un véritable monothéiste. À la base, il est profitable pour le lecteur, pour celui qui entend ce prêche. Et puis après, il va pouvoir enseigner et conseiller aux gens et recommander aux gens de s'éloigner de tel ou tel acte qui font tomber dans la mécréance et dans le polythéisme. Et le shirk n'a pas enseigné cela pour que n'importe quelle personne se lève et se mette à donner des jugements ou des étiquettes sur telle ou telle personne qui aurait ou qui a commis tel ou tel acte. Ça, c'est du ressort des gens qui en ont la compétence parmi les savants, parmi les juges de l'islam, qui après vérification, donneront le jugement concernant telle ou telle personne. Mais ce n'est pas du ressort du commun des gens. Ce n'est pas demandé. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'en arriver là. On sait que tel acte ou tel acte fait tomber dans la mécréance, fait tomber dans le polythéisme, mais si telle personne l'a commise, est-ce que automatiquement cette personne devient mécréante ou polythéiste? Allahu a'lam. Il se peut qu'auprès d'Allah il le soit. Mais ça c'est du ressort des gens qui en ont la connaissance, des gens qui ont le savoir, les gens qui connaissent les règles, les conditions. Ce n'est pas une question à prendre à la légère. Et donc les gens, quand ils se sont mis à lire, il y en a, ils ont tout de suite déduit ce que les grands ulama n'ont pas déduit de leur lecture des livres de Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Parmi aussi les erreurs commises, c'est qu'il y en a qui pensent que Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans son prêche, il a appelé au soulèvement et qu'il s'est soulevé contre le sultanat ottoman. Ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il est de la région de Najd. La région de Najd, surtout à l'époque, c'était un désert. C'était des petits émirats. Chaque chef de tribu, il avait un territoire dont il en était le maître. Et ce n'était pas des régions convoitées. Et le sultanat ottoman n'était même pas présent. Il n'avait même pas de représentants dans ces régions. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, c'est pour cela, lorsqu'il a vu qu'il était rejeté, qu'il était combattu, il a demandé qu'on lui vienne en aide. Et il a demandé à des émirs de région, donc quelqu'un qui a autorité dans sa région. Et il y a certaines tribus qui l'ont accepté à un moment donné, mais après ils l'ont délaissé, jusqu'à qu'il est tombé sur l'ancêtre de Al-Saoud, qui lui qui était l'émir de sa région, et le chef de sa tribu, et qui l'a accepté. Et il a accepté le prêche, et il lui a dit qu'il l'aidera avec la force et l'autorité qu'il a pour préserver et propager ce prêche. Et il a invité les gens, mais c'était les gens qui l'attaquaient. Et lui, il était sous une autorité qui était de Al-Saoud. Donc il n'y a pas de soulèvement. Puis, lorsque les Ottomans ont voulu stopper, parce qu'il commençait à prendre de l'ampleur, ce prêche, à rentrer dans la région du Koweït, à rentrer en Irak, ça s'approche du Hijaz. Et dans le Hijaz, Mecque et Medina, l'Empire ottoman, il a son représentant, qui est le gouverneur de la Mecque et de Médine. Donc là, ils ont commencé à préparer leurs armées pour pouvoir le combattre. Et ça a duré des décennies et des décennies, de part et d'autre. Donc, avant de dire des choses, il faut bien étudier la question et bien la vérifier. Thalithan, mu'adatul kuffar lil islam wa da'wati salafiyya. Troisièmement, l'animosité des mécréants vis-à-vis de l'islam et aussi du prêche salafi. Rabi'an, atharu ad-da'awat al-hizbiyya 'ala al-islam 'umuman wa 'ala ad-da'wati as-salafiyyati khususan. Les conséquences des prêches partisanes, c'est-à-dire les mouvements, les partis qui existent dans chez les musulmans. Donc les conséquences qu'ont laissé ces mouvements, ces groupes, ces partis dans l'islam d'un point de vue général et dans la da'wa salafiyya d'un point de vue bien plus précis. Khamisan, wujub izhar madhhab as-salaf. Cinquièmement, l'obligation de faire apparaître la voie des pieux prédécesseurs. Sadisan, jawaz al-intisab ila as-salaf wa at-talaqqub bis-salafiyya. Sixièmement, donc la permission, et que c'est légiféré, de s'affilier aux pieux prédécesseurs et de s'appeler salafi. Septièmement, ahammu mumayyizat al-manhaj as-salafi. Les particularités les plus importantes dans le manhaj salafi. Huitièmement, manhajou ahli al-bida'i wal-ahwa, la voie des partisans de l'innovation et des passions. Tasi'an, neuvièmement, بعض القواعد في المنهج السلفي, certaines règles de base dans la voie des pieux prédécesseurs. عاشرا الرد على المخالف, réfuter, répondre à celui qui va à l'encontre ou qui contredit. حادي عشر الأبواب التي يجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام. Donc, onzièmement, les points ou les chapitres dans lesquels il est permis de faire de la médisance et de la critique chez les savants de l'islam. J'emploie le terme médisance parce qu'à la base, parce que c'est le terme en arabe al-riba, et la médisance à la base, elle est interdite. C'est un grand péché que de faire de la médisance. Mais il y a des circonstances, des situations qui font que la médisance, lorsqu'elle est employée convenablement et comme l'islam le demande, cela est légiféré. Et cela peut même être obligatoire dans certaines situations. ثاني عشر, deuxièmement, عقوبة من والى المبتدع. La sentence, la punition concernant celui qui s'allie ou qui va avec les gens de l'innovation. قال كاتب هذه السطور, donc le cheikh Ubayd al-Jabiri حفظه الله dit, وكان أخونا الشيخ عبد السلام حفظه الله وسدده في أقواله وأعماله معتمدا فيما أودعه هذا الكتاب على الدليل. Et il dit que le cheikh Abd al-Salam al-Suhaymi, hafidhahullah, et qu'Allah l'assiste dans ses paroles, dans ses actes, il s'est appuyé dans ce qu'il a rapporté sur des preuves. Min al-ayat al-Qur'aniyya, wal-ahadith al-Nabawiyya, wal-athar al-Salafiyya. Des preuves provenant du Coran, des versets coraniques, des hadiths prophétiques, et des récits des pieux prédécesseurs. سواء في ذلك ما ذكرناه وما لم نذكره مما احتواه الكتاب. Que cela soit dans les questions que je viens de préciter ou dans d'autres questions qui se trouvent dans le livre et que je n'ai pas citées dans cette introduction. فكان هذا الكتاب ولله الحمد والمنة قوي المضمون. قَوِيَّ الْمَضْمُونَ. Et donc ce livre, louange à Allah, il est très fort dans le contenu. وَفِي الْمُحْتَوَى. Et il est complet dans ce qu'il comporte. مُحَقَّقًا إِنْ شَاءَ اللَّهِ مُحَقِّقًا إِنْ شَاءَ اللَّهِ مَا تَوَخَّاهُ فِيهِ كَاتِبُهُ. Et Inch'Allah, il a atteint ce qu'il voulait lorsqu'il a voulu écrire ce livre. وَاللَّهَ أَسَلِّي وَلِلْأَخَ عَبْدِ السَّلَامِ ولجميع المسلمين الإخلاص في الأقوال والأعمال والسير على هدي السلف الصالح من التمسك بالكتاب والسنة وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. Et je demande pour Allah, pour moi, ainsi que pour le frère Abdus Salam, et ainsi que pour tous les musulmans, qu'il nous donne la sincérité dans les paroles et dans les actes, et d'être dans le chemin de la guidée des pieux prédécesseurs en s'appuyant et en s'attachant au livre et à la sunna, et qui nous montre la vérité comme étant vérité et qui nous permette de la suivre, et qui nous montre le faux comme étant le faux et qui nous permette de nous en éloigner. وَلَا يَجْعَلُهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلْ. Et qu'il ne le rend pas flou, le faux, qui ne soit pas flou à nos yeux pour ne pas être égaré. Inna rabbi ala siratin mustaqim wa bi ibadihi raufur rahim wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, Inch'Allah, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et...